الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. نواصل بإذن الله عز وجل مع تفسير القرآن الكريم، ونأخذ سورة جديدة بإذن الله عز وجل، ألا وهي سورة الملك. Donc ici بإذن الله عز وجل on va prendre l'explication, le tafsir ici d'une nouvelle sourate du Coran. Et c'est la sourate Al-Mulk, la royauté. Et on va voir, bihamdillahi azza wa jalla wa bihawlihi subhanahu wa ta'ala, al-fada'il, les mérites, les bienfaits que renferme cette sourate qui est sourate Al-Mulk. Une sourate, ici, du Coran, Al-Qur'an Al-Karim. Et on sait tous et toutes, et ici, cette étude bi'idnillahi azza wa jalla va nous rappeler une fois de plus le mérite et le bienfait et les nombreux bienfaits, les milliers, les milliards de bienfaits que renferme le Coran al-Karim et qui sont malheureusement, lil asaf, trop délaissés ici chez beaucoup de musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, qui ont oublié, et là je ferai une brève introduction concernant les mérites et le bienfait de le Coran al-Karim. Ils ont oublié malheureusement le bienfait de ce livre qui est le meilleur des livres sur la surface de la terre, le Coran al-Karim, qui a divers ou plusieurs noms, qui sont cités dans le Coran al-Karim lui-même. Il est appelé al-Furqan, il est appelé al-Dhikr, il est appelé al-Quran, et on verra cela bi-idhnillah azza wa jal. Ala kulli hala yu al-ikhwat wa al-akhawat, al-Quran al-Karim, c'est un livre qui nous permet d'être heureux, de goûter al-sa'ada fi dunya wa fi al-akhira. Le bonheur ici-bas et dans le delà. Et si on abandonne, on délaisse, on se détourne, on s'écarte, on délaisse, on abandonne al-Quran al-Karim, certes, on sera comparable à des bêtes. On sera comparable à des animaux, wal'ayadu billah. Car sans Coran, ayu al-ikhwat wal-akhawat, on ne peut vivre une vie saine, une vie posée, une vie ici de bonheur et de quiétude. Et la preuve de cela, parmi les nombreuses preuves, c'est le hadith rapporté par At-Tabarani. Ici, où il est rapporté que Abdullah ibn Mas'ud, et on l'a déjà vu concernant les signes de la fin des temps. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu wa arda, avait dit: on vous retirera le Coran, le Coran al-Karim sera retiré des poitrines, sera retiré ici des livres aussi. Le Coran al-Karim, on vous retirera le Coran al-Karim. Et on lui a dit: ô Abu Abdurrahman, comment nous le retirera-t-on alors que nous l'avons bien fixé dans nos cœurs et écrit dans nos exemplaires le Coran? Le Coran yurfa, il disparaîtra, il n'existera plus. Et ça c'est ici lors des grands signes de la fin des temps. Et ici, il dit, une nuit, Layla, pendant une nuit viendra, au cours de laquelle rien ne sera laissé ni dans le cœur d'un fidèle, ni dans un exemplaire. Il n'y aura plus de Coran, il n'y aura plus de ayat, de versets coraniques. Et les gens auront même oublié ce qu'il y avait dans le Coran al-Karim. Ça, c'est ici, alors que les grands signes de la fin des temps apparaîtront. Ensuite, il dit, et au lendemain, les gens seront comme des bêtes. Ah, quand il n'y a plus de Coran ou quand il n'y aura plus Al-Quran Al-Karim, ni dans As-Sudur, dans les poitrines, d'accord? Et ni ici dans les livres, les gens vont devenir ou seront comme des bêtes. Car sans Coran, sans Kalam Ar-Rahman, sans les paroles du miséricordieux, tu ne peux avoir une vie stable et sereine et une vie de bonheur. Bien plus que cela, nous disons, tu seras un ignorant. Tu seras une personne qui sera tombé dans un égarement évident, tu seras comparable à des bêtes, plus encore, pire que des bêtes. Ici, Allah Jalla wa Ala, quand il parle des insouciants, un verset qu'on répète, ou plutôt des versets qu'on répète souvent, Oulaika kal an'am bal hum adall, Oulaika humul ghafiloun, ils sont comme des bestiaux, plus encore, ou pire, ou plus égarés encore. Ceux-là sont les insouciants. Wal'ayadu billah, Allah Jalla wa Ala a comparé les insouciants à des bestiaux. Et ici, dans le hadith rapporté par At-Tabarani, on voit que les gens seront comme des bêtes quand il n'y aura plus Al-Quran Al-Karim. Ça, c'est quand il ne sera ni dans les poitrines et ni dans les livres. Mais Fawarab bil Ka'ba, même celui qui est vivant au jour d'aujourd'hui et qui a la possibilité de lire le Coran al-Karim, il peut lire le Coran al-Karim, al-Mushaf, voilà qu'il s'en détourne, il est comme ou il est tel une bête ou des bestiaux. Pire encore. Plus égaré encore. Comme Allah Jalla wa'ala a dit. Pourquoi? Car ça reste un insouciant, wal'ayadu billah. Il s'est détourné du livre saint qui est le Coran al-Karim. Al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, il rapporte dans son sahih, selon Abu Huraira, radiyallahu anhu arda, qui a dit, qala Rasulullah alayhi salatu wassalam. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, la Kaaba sera détruite par un abyssinien. Et il dit ensuite, Allah Jalla wa Ala enlèvera un Coran de la terre, de sorte qu'un seul verset n'en restera ni dans les exemplaires du Coran, ni dans As-Sudur, les poitrines. C'est parce qu'Allah Jalla wa Ala est trop jaloux de son livre. Allah Jalla wa Ala, ici il y a rare, il est jaloux, il est trop jaloux de son livre pour le laisser sur la terre quand il ne sera plus appliqué. Ce livre est tellement grand, ce livre est tellement magnifique, ce livre renferme tellement de trésors que Allah Jalla wa Ala est jaloux de le laisser sur la terre, alors ici qu'il ne sera plus appliqué, qu'il ne sera plus appliqué, rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Donc Allah Jalla wa Ala est jaloux, et Allah Jalla wa Ala yaghdab, se met en colère aussi, wa yaghar, il est jaloux et il se met en colère, et il est jaloux et il se met en colère quand on abandonne kalamullah, la parole d'Allah Jalla wa Ala. Et certes, beaucoup de gens, wal'iyadu billah, ont abandonné la parole d'Allah Jalla wa Ala, illa man rahim Allah. Et ça veut dire quoi, abandonner al-Qur'an al-Karim? On va le voir bi'idnillahi azza wa jal. Qala Jalla wa Ala fi kitabihi al-Aziz. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans son livre, al-Qur'an al-Karim lui-même. Et il parle du prophète alayhi salatu wa salam. Ah, comment a réagi le prophète alayhi salatu wa salam quand, ici, al-Mushrikin se sont détournés du Coran? Ils voulaient ni l'écouter, ils voulaient ni lire al-Qur'an, ils voulaient ni méditer al-Qur'an. Ils ne voulaient pas du Coran, wal'iyadu billah. Ils entendaient, qala Allah, a'radu an dhikri Allahi azza wa jal. Ils se sont détournés du rappel d'Allah Jalla wa Ala. Qala Jalla wa Ala, hikayatan an Muhammad alayhi salatu wa salam, wa qala ya Rab, inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjoura. Allah Jalla wa Ala, il parle du messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Et regardez qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wa salam. Il dit, oh mon Seigneur, wa qala ya Rab, il a invoqué Allah, ya Rab, inna qawmi, mon peuple, ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjoura. Ils ont ici pris ce livre, Al-Qur'an Al-Karim, comme une chose délaissée. Ils ont abandonné, ils se sont détournés, ils ont délaissé Al-Qur'an Al-Karim. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il s'est plaint ici. À qui? À Allah, Jalla wa Ala. Que son peuple s'est détourné à considérer ici Al-Qur'an Al-Karim comme une chose insignifiante, wal'iyadu billah. Alors qu'Allah, Jalla wa Ala, nous rappelle dans le Coran al-Karim lui-même la valeur du Coran, et il dit لو أنزلنا هذا القرآن على جبل, si nous avions fait descendre le Coran al-Karim على جبل, sur une montagne. Ici رأيت الجبل يا عبد الله, est-ce que tu as vu la montagne? Sur une montagne, لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, tu l'aurais vu خاشعا, s'humilier, mutasaddi'an, se fendre, min khashyatillah, par crainte de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Wa hadha al-Qur'an al-Karim, il a été révélé et descendu sur qui? Muhammad alayhi afdalu salati wa askat taslim. Afdal wa khayr min al-jabal wa min al-jibal, meilleur et plus ferme qu'une ou que des montagnes. Muhammad alayhi salatu wa salam. Qala subhanahu wa ta'ala, kitabun mubarak. Allah il dit, c'est un livre béni. Kitabun mubarak, qu'on a descendu sur toi. Ah, sur qui? Sur Muhammad alayhi salatu wa salam. Limadha? Pourquoi? Liyadabbaru ayati. Pour qu'il médite. Ah, afin qu'il médite quant à ses versets. Ce n'est pas pour décorer les murs. Ce n'est pas simplement pour mettre un verset coranique ou deux dans un papier ou dans une décoration et le mettre sur un mur ou dans la voiture ou le mettre dans sa poche ou le laisser traîner à droite et à gauche ou le laisser prendre de la poussière ou liyadabbaru ayati. Et il n'a pas dit simplement pour le lire. Ah, regardez, on monte de degré ici. Ah, c'est pour le lire mais pour le méditer. Liyadabbaru ayati. Et au jour d'aujourd'hui, on voit des gens qui utilisent le Coran al-Karim, qui, s'il avait été descendu sur une montagne, tu aurais vu la montagne s'humilier, se fendre par crainte d'Allah Azza wa Jal comme support quelquefois. Wal'iyadu billah. Na'am. Wa sadaqa Jalla wa Ala idh yaqul, wa dhalika wa man yu'azzim sha'a'ir Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Et c'est ainsi, toute personne qui exalte les injonctions sacrées d'Allah Azza wa Jal, ceci fait partie de la piété des cœurs. Faut donner le qimma, de l'importance, la valeur ici au livre d'Allah Azza wa Jal. Tu prends pas al-mushaf, al-Qur'an al-Karim, tu le poses devant toi et tu poses une feuille et tu écris sur la feuille. هذا من قلة الأدب مع الله مع كلام الله عز وجل, avec la parole d'Allah عز وجل. القرآن الكريم doit être respecté. C'est pour ça que العلماء ont dit que même الأطفال, les enfants, ici qui n'ont pas d'intérêt de prendre le Coran al-Karim ne doivent pas toucher le Coran al-Karim. Pourquoi? Peut-être ils ont des impuretés sur eux. Ici, mais si c'est pour leur enseigner le Coran al-Karim. D'accord? Et ils savent qu'il faut respecter le livre, même s'ils sont amenés à perdre les ablutions et ils ne savent pas ici exactement ou comment faire bien les ablutions car ils sont très jeunes et ils ont appris très tôt à lire le Coran, la haraj, inshaAllah ta'ala. Walakin, ici, s'il n'y a pas d'intérêt, il ne faut pas qu'ils touchent le Coran al-Karim. On ne joue pas avec un livre d'Allah Azza wa Jal. Ici, et aussi, on ne prend pas le Coran comme support où certaines personnes, ils posent ici leurs pieds sur la table à manger par exemple, même s'il n'y a pas de nourriture, et à côté il y a le Coran al-Karim. D'autres personnes, wal'iyadu billah, ils vont poser peut-être une couche remplie, akramakumullah, à côté il y a le Coran al-Karim. D'autres vont poser leurs lunettes ou le stylo al-qalam al-mus'haf sur le Coran al-Karim. Est-ce qu'on va dire que poser al-mus'haf, al-qalam, mathalan, qalam, ou ici al-siwak sur al-mus'haf, c'est haram? Non! Walakin hada min qillati al-adab. On dit c'est un manque de politesse et un manque de crainte d'Allah Azza wa Jal. Allah Jalla wa Ala dit ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ. Toute personne qui exalte les injonctions sacrées d'Allah Azza wa Jal, ceci fait partie de la quoi? La piété, la crainte des cœurs. C'est Allah Jalla wa Ala qui nous rappelle qu'on doit donner de l'importance et de la valeur au Coran. C'est pour ça que chacun d'entre nous chez soi, il doit éduquer ses enfants dès le plus jeune âge à respecter le Coran al-Karim. Clair? Et ici, étape par étape, Shaitan nous fait glisser. Donc les gens au début vont dire oui, le Coran al-Karim va lui donner de l'importance. Donc Shaitan il voit que certaines personnes lui donnent de l'importance. Ah, il va les faire glisser, d'accord, mais d'une autre manière. Pas en leur disant abandonner le Coran, non. Il faut y penser beaucoup, mais pour y penser, vaut mieux que tu mettes un grand tableau chez toi avec des versets du Coran. Comme ça tu vas donner de l'importance au Coran. Et qui t'a dit de mettre des versets coraniques sur le mur de chez toi, ya Abdallah? Donc tu as utilisé le Coran al-Karim comme une décoration, wal'iyadu billah, alors que le Coran al-Karim doit être dans nos cœurs, dans nos langues, et on doit vivre avec. وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْأَدِلَّةِ وَالْأَدِلَّةِ فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرًا. Parmi les preuves de cela, le hadith très connu où ils ont interrogé Aïcha, radiyallahu ta'ala anha wa ardaha, ici sur le prophète, alayhi salatu wassalam, et particulièrement sur sa moralité, son comportement, et elle a dit kana khuluquhu al-Qur'an. Sa moralité, son comportement, c'était al-Qur'an. As-Sahaba radiyallahu anhum ardhum, c'était des Corans qui marchaient. Ça nous rappelle, ayu al-ahibba, que al-Qur'an al-Karim, et avant de faire l'introduction sur Suratul Mulk, je veux faire une introduction ou une première introduction avec les mérites et la grandeur du Coran. Parce que quand on sait tous les bienfaits que renferme juste une sourate du Coran, que dire de l'ensemble de Al-Qur'an Al-Karim? Et que dire de gens qui ont abandonné le Qur'an Al-Karim? Le prophète s'est plaint. Ya Rab, inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjoura. Il s'est plaint de ces gens-là. Mais ça veut dire quoi? Le fait de se détourner de Al-Qur'an Al-Karim. Abandonner Al-Qur'an Al-Karim. Certaines personnes disent, khlas, il suffit de lire 2 versets ou 3 versets ou une page par jour, khlas, je suis plus encadré par ce verset coranique. D'autres disent, moi, j'apprends de temps en temps le Coran, je suis plus encadré par ce verset coranique. D'autres disent, non, moi, j'ai le Coran al-Karim, d'accord, al-Jodran, ou ici, sur les murs, ou dans chez moi, à côté de mon lit, ça suffit pour que je ne sois pas concerné par ce verset coranique. Ça veut dire quoi? Abandonner, se détourner du livre d'Allah Azza wa Jal, le Coran al-Karim. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit, les formes d'abandon du Coran sont multiples. Il dit, rahimahullah ta'ala, les formes d'abandon du Coran sont multiples. Ce n'est pas simplement le fait d'abandonner al-qira'ah, la lecture, d'accord, ou bien al-tadabbur, la méditation, d'accord, ou bien al-amalu bih, l'application. C'est ici, il dit, l'abandon ici renferme ou a plusieurs formes. Il dit, rahimahullah, ne pas l'écouter, ni croire en lui, ou tendre l'oreille vers lui. Ça, c'est une forme d'abandon. Le fait de ne pas écouter Al-Qur'an Al-Karim. Juste, si tu n'écoutes pas Al-Qur'an Al-Karim, c'est une forme d'abandon. Et certes, si tu récites Al-Qur'an Al-Karim, tu le récites et tu l'entends aussi. Donc, hada yakfi insha'Allah ta'ala. Walakin, celui qui ne récite pas Al-Qur'an Al-Karim et qui ne l'écoute pas, surtout fi asrina hada, surtout à notre époque, maintenant, alhamdoulilah, même celui qui ne sait pas lire, d'accord, il ne sait pas lire Al-Qur'an Al-Karim, il ne l'a pas appris Al-Qur'an Al-Karim par cœur, avec tous les moyens qu'on a au jour d'aujourd'hui. Est-ce qu'une personne peut se priver de du fait d'écouter Al-Qur'an Al-Karim, il suffit qu'il achète une cassette, un CD, un DVD, ou même dans les téléphones maintenant, avec ici les moyens qu'on a au jour d'aujourd'hui, yani c'est très facile d'écouter Al-Qur'an Al-Karim. Et des gens avec tout cela, ils trouvent encore le moyen de ne pas écouter Al-Qur'an Al-Karim. Ou bien ils écoutent, mais très rarement. Ou bien ils écoutent, mais à côté, ils écoutent aussi kalam ou shaytan, ruqiyat ou zina, comme on dit certains salaf et certains sahaba, c'est-à-dire al-musiqa, la musique, wal-iyadu billah. Et ça, ce n'est pas compatible. Donc ici, tu dois choisir quelque part. Donc, soit choisis la parole d'Allah, ou soit reste dans l'égarement, wal-iyadu billah, et fawarab bil-ka'ba, tu regretteras ici-bas et dans le delà. Il y a la parole de shaytan, al-musiqa, al-ghina, sautu shaytan, wa ruqiyatu zina. Et à côté, il y a kalam ur-rahman. Law anzalna hadha al-Qur'an ala jabal, la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashatillah. Ce Coran, yu al-ikhwatu wal-akhawat, qu'Allah jalla wa ala a révélé pas sur une montagne, mais bien plus fort et plus ferme qu'une montagne, Muhammad alayhi salatu wa salam. Donc ici, ça ne suffit pas d'écouter un peu et d'écouter le Coran et d'écouter des choses mauvaises à côté. Écoute al-Qur'an al-karim. Et faisant ton principal objectif. Et d'autres personnes vont nous dire, moi j'écoute certains chants islamiques ou des poèmes religieux qui ne sont pas accompagnés bien sûr d'instruments de musique parce que sinon, wa illa, c'est haram. Taban. Voilà qu'il si c'est des chants islamiques, comme le dit Sheikh Ibn Baz, rahmatullah, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a, vous trouvez sa fatwa dans son propre aussi. Quand ils l'ont interrogé sur al-anashid, ils ont dit les chants islamiques. Ils ont dit à partir du moment où ici ils sont exempts de toute parole, il a dit, de toute parole vaine, ou alors obscène, d'accord, ou toute parole qui contredit, d'accord, cette religion, les dogmes purs, etc., et qu'il n'y a pas d'instrument de musique, donc il n'y a pas de mal. Donc parmi les conditions qu'ont rajouté les gens de science, bien sûr, et même lui dans d'autres endroits, il ne faut pas écouter, bien sûr, plus de chants islamiques, al-anashid, dit al-anashid au jour d'aujourd'hui, que al-Qur'an al-Karim. Certaines personnes, ils écoutent plus de anashid que al-Qur'an al-Karim. Et ça, c'est une déficience. Khalal, c'est une déficience aussi. Donc on fait, d'accord, de Al-Qur'an Al-Karim, sa principale occupation. Fi hadhihi al-hayati ad-dunya, dans cette vie d'ici-bas. Ne pas l'écouter, ni croire en lui, ou tendre l'oreille vers lui, ça, c'est une forme d'abandon, comme le dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Parmi les formes d'abandon, bien sûr, il y a ce qui fait partie des choses les plus importantes, ne pas le mettre en pratique. Il dit aussi ne pas s'en tenir à ce qu'il considère licite ou illicite, même si on le lit et croit en lui. Donc il faut le mettre en pratique, Al-Qur'an Al-Karim. D'accord ? Ça ne suffit pas de dire je lis Al-Qur'an, ou j'ai une belle voix, ou je médite les versets coraniques, walakin. Quand il ferme Al-Qur'an Al-Karim wal iyadu billah, tu vois rien de qala Allah wa qala ar-rasul bi fahmi salaf al-umma. Il ne sourit à personne. Il fait peur à tout le monde. C'est une personne frustrée, très froide, méchante, agressive, que ça soit avec des frères musulmans, musulmanes ou non musulmans, wal-iyadu billah. Est-ce que c'est ce qu'on ferme Al-Qur'an Al-Karim? Est-ce que le prophète alayhi salatu wasalam se comportait ainsi à travers la biographie du prophète alayhi salatu wasalam? Non! Et on sait très bien que le prophète c'était un Coran qui marchait quelque part. Je dis ça et je donne une métaphore ici. Donc on voit très bien que celui qui met en application Al-Qur'an Al-Karim, c'est celui qui va être facile, d'un abord facile, qui va avoir un bon comportement, qui va avoir ici un visage toujours épanoui. Les gens ici sont à l'aise et aiment sa présence, sa compagnie. Ce n'est pas une personne qui fait fuir les gens, wal-iyadu billah. Donc ici, ne pas le mettre en pratique, ça, c'est un abandon de Al-Qur'an Al-Karim. Il y a des gens qui choisissent, d'accord? Comme si, wal-iyadu billah, il était dans un restaurant et on lui montrait ou on lui donnait une carte. Ça j'aime pas. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran Al-Karim, Ya ayyuha alladhina amanu dukhulu fi silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati shaytan. Allah Jalla wa Ala nous rappelle que cette religion, c'est pas toi qui choisis ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas. D'accord? Walakin ici, tu te dois d'aimer ce que Allah aime et détester ce que Allah Jalla wa Ala déteste. Et ça, c'est une des plus grandes preuves d'amour envers ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Tu aimes ce que Allah aime et tu détestes ce que Allah déteste. Donc tu réagis ici tes sentiments par rapport au livre d'Allah et à la sunna du prophète alayhi afdalus salatu wasqat taslim. Donc ici, laisse-nous de tes je pense, je crois, je vois, je déduis, j'essaie de trouver une faille, une brèche et cacher la vérité alors que tu connais la vérité. Et ici Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran Al-Karim, il nous rappelle qu'il sait ce qu'il y a fi soudour, dans les poitrines. Wallahu ya'lamu ma fi soudour. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah, il sait ce qu'il y a dans les poitrines, il sait ce qu'il y a dans vos cœurs, dans nos cœurs, à tous et toutes. Donc ça ne sert à rien de jouer ici avec la religion. Quand on entend qala Allah wa qala ar-rasul sami'na wa ata'na, on a entendu et on a obéi. Ici, parmi les formes d'abandon aussi, le fait de ne pas le prendre, comme il dit Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, comme arbitre et juge en ce qui concerne les fondements de la religion et ce qui en découle. Croire qu'il n'apporte aucune certitude et que ses preuves sont uniquement verbales et n'apportent aucune science, wal'iyadu billah. Donc ici, on va dire, là où on va parler de la première chose qu'il a dit Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, ne pas le prendre comme arbitre et juge. Ah, c'est-à-dire que quand il y a un désaccord, un conflit, فَوَرَبِّ الْكَعْبَةِ, si on appliquait ce qu'Allah Jalla wa Ala avait dit dans le Coran, et le prophète Mohammed alayhi abdallu salat wa askat taslim avait dit dans la sunna authentique, بِفَهْمٍ صَحِيح, avec une bonne compréhension. C'est pas quelqu'un va dire, oh, non, yahi, yani, toi tu t'es trompé, lui il est il a raison parce que Allah a dit, et il va mettre ici hors contexte, وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ, ici des versets coraniques, il connaît même pas le sharh de la ayah ou le hadith, oui, non. Il faut connaître al-nasikh wal-mansukh. Il faut connaître ce qui est abrogé, l'abrogeant. Il faut connaître les règles concernant usul al-tafsir, les fondements du tafsir, savoir ce qu'on dit al-ulama, et parmi eux, bien sûr, avant tout, à leur tête, al-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, concernant al-ayat min kitabi rabbi al-ardi wa samawat, les versets du Coran. Donc nous disons, quand il y a un conflit, un désaccord, entre l'homme et sa femme, entre le frère et son frère, entre la sœur et sa sœur, entre les parents et les enfants, ici, entre musulmans et non-musulmans, on doit se référer à qui, à quoi? قال الله وقال الرسول عليه أفضل الصلاة وسكت تسليم والدليل على ذلك قال سبحانه وتعالى. Un verset coranique, فورب الكعبة يخلع القلب لمن كان له قلب. Il fait plus ici que peur, et ici il doit réveiller les âmes endormies, pour ceux du moins qui ont encore un cœur. Écoutez ce qu'Allah Jalla wa Ala dit. Il dit Jalla wa Ala dans le Coran al-Karim, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, il dit concernant ce verset coranique, il n'y a pas d'autre interprétation à donner à ce verset coranique que ce qui est compris. Khalas, il est wadih, il est clair. Il n'y a pas besoin de dire, ah, ça veut dire autre chose ou là. Allah, il dit quoi? فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Écoute bien de qui il parle Allah Azza wa Jal. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى, par ton Seigneur, et Allah Jalla wa Ala jure, فَلَا وَرَبِّكَ, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants, d'accord, aussi longtemps qu'ils ne t'auront pas pris comme juge. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم, tant qu'ils ne t'auront pas pris comme juste, c'est-à-dire Muhammad alayhi abdallu salatu wa askat taslim. Muhammad alayhi salatu wa salam, il parle avec quoi? Qala Allah, avec Allah azza wa jalla dit. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadayt wa yusallimu taslima. Ici, Allah jalla wa ala dit, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront pas pris ici comme juge concernant leur dispute. Simplement, non. Ça veut dire ici que quand tu as un conflit, comme j'ai dit tout à l'heure précédemment, l'homme avec sa femme, les parents avec les enfants, le frère avec le frère, la sœur avec la sœur, musulman avec non-musulman, il te suffit de dire, viens, ta'ala bina ya Abdallah, viens et on va voir qu'est-ce qu'il y a dans fi kitabillahi azza wa jal, bi fahmi salaf al-umma, avec la compréhension des ancêtres pieux. Ça te suffit, hada yakfi, fa wa rabbil ka'ba, ça suffit amplement. Walakin, combien de disputes, combien de divorces, combien de frères qui ne se parlent plus, combien de gens qui se divisent, qui se, ici, critiquent, qui agissent avec haine, avec agressivité. Pourtant, les deux disent, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mais pourquoi? On a abandonné Al-Qur'an Al-Karim. Avec une bonne compréhension. Hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum. Thumma, ensuite, la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadayt. Ça suffit pas de dire, khlas, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah jalla wa ala a dit, ça ne suffit pas. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadayt. C'est-à-dire, en plus de cela, regardez le verset coranique, et regardez, ayyuhal ikhwat wal akhawat, comment les musulmans, ou combien de musulmans sont loin de l'haq, la vérité, wal iyadu billah, au jour d'aujourd'hui. Quand tu leur dis, qala Allah, qala ar-rasul, même si certains, d'accord, vont accepter quelquefois ils vont reconnaître, ils vont dire ça, ça c'est vrai, c'est la vérité. Allah il a dit. Le prophète Ali Soussam a dit. Quelqu'un a dit oui mais moi écoute ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. En plus Allah Azza wa Jalla rajoute encore. Ça c'est pas ça. La première étape, tu dois obéir au prophète Ali Salatu wa Salam. C'est-à-dire quand tu as un conflit, tu renvoies ton conflit au prophète Ali Salatu wa Salam. C'est-à-dire قال الله وقال الرسول. Car le prophète ne parle pas poussé par sa passion, ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Ensuite, tu ne dois éprouver aucune gêne dans ta poitrine concernant la décision du prophète alayhi salatu wa salam. Sah, le prophète alayhi salatu wa salam, il est mort. Qala jalla wa ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Walakin qu'est-ce qu'il reste? La sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Le prophète, il nous a tout laissé wa lillahi alhamd. Il nous a laissé la sunna. Il y a des milliers, des millions de hadiths. Il y a kalamullah. Il y a l'explication de sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. Donc ici, tu dois revenir à cela. Et ça ne suffit pas. Donc tu dis, le prophète a dit, mais ensuite tu dois éprouver aucune gêne dans la décision. Khalas, c'est-à-dire, sami'na wa ata'na. Le mais, mets l'autre côté. Le mais, mets l'autre côté. Khalas. Et ça ne s'arrête pas là. Ibn Hazm dit, ce verset coranique. Là, quand Allah Azza wa Jalla parle, il n'a même pas besoin d'interprétation. Il est clair. Wadih. Donc il dit, fala wa rabbika la yu'minun. Donc il dit, il n'est pas croyant. Et il dit ensuite wa yusallimu taslima, c'est-à-dire tu renvoies ton problème au prophète alayhi salatu wasalam, aucune gêne, et tu te soumets complètement à sa sentence. Ah, c'est pas à moitié. Oh, khlas, il a dit ça, bon, nas al hadith, je le prends. Nisf al hadith, je le prends. L'autre hadith après insha. Non. Wa yusallimu taslima. Wa sadaqa jalla wa ala yaqul wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amran. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante. Ah, il parle du croyant encore. Il dit, ah, le croyant, non, il lui appartient pas à lui. Ama l'autre, peu importe. Mais le croyant, non, il lui appartient pas à un croyant ou à une croyante. Une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et Allah Jalla wa Ala dit aussi dans le Coran al-Karim, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى مَنْ إِلَى فُلَانِ ibn فُلَانِ il Allah wa Rasul. Ah, quand vous avez une quelconque dispute, un désaccord, renvoyez-le à qui? À Allah et à son messager. Où sont tous ces versets coraniques dans l'application au jour d'aujourd'hui? Sah, na'am, il y a beaucoup qui lisent le Coran. Bi sawtin jamil, jiddan, avec une très belle voix, masha'Allah. Wa rubbama bi ahkam al-tilawa, avec les règles de la récitation, de tajwid. Et peut-être qu'il a appris par cœur. Walakin, elle est où l'application? Ça ne suffit pas d'apprendre le Coran al-Karim par cœur avec une belle voix. Fa wa rabbi al-Ka'ba, le Coran al-Karim comme a dit le Mustafa alayhi salatu wassalam, hujja. C'est un argument. Pour ou contre toi au jour de la résurrection? Pour ou contre toi? Si tu viens avec le Coran et tu le connais par cœur et tu n'as pas ici appliqué ne serait-ce qu'un verset coranique, qu'est-ce que tu vas dire Allah jalla wa ala? Ça sera un argument contre toi. Ce n'est pas la quantité qui nous intéresse, mais c'est la qualité. Mais c'est là la qualité, comme on va le voir dans l'explication de sourate al-mulk bi-idnillahi azza wa jal. Donc parmi les types d'abandon, c'est le fait qu'une personne, quand tu vas lui dire qala Allah wa qala Rasul, oui mais, donc il joue quelquefois avec la religion, c'est comme s'il disait quelque part ya Rab, ça j'aime mais ça tu as été un peu trop dur, ou ça c'est pas mal mais ça j'en veux pas trop. Mais tu es qui toi ya Abdallah? Et ça c'est une provocation, wal'iyadu billah. Et ça tu mets ta vie, ton âme en péril, ya Abdallah. Qala Allah wa qala Rasul. Quand tu n'arrives pas à appliquer une chose, fattaqullaha mastata'tum. Ça, on regarde ton état. Est-ce que tu n'avais pas les capacités, d'accord, d'appliquer cette chose vraiment parce que tu avais une contrainte énorme? Craignez Allah autant que vous le pouvez. Ou est-ce que c'est parce que ta foi est faible? Si c'est ta foi qui est faible, reconnais au moins. Dis, je suis faible. Je reconnais. Sami'na wa ata'na. Walakin, insha'Allah ta'ala, je vais faire des efforts pour appliquer mieux parce que j'ai une déficience. Mais ne joue pas au malade qui cache la vérité, wal'iyadu billah. Donc, le Coran al-Karim, c'est kalamullah. Et Allah Jalla wa'ala a décidé des choses, on doit s'y plier. Et tout ce qu'Allah a ordonné, c'est un bien. Tout ce qu'Allah Jalla wa'ala a interdit, c'est un mal. Et délaisse-nous de tes paroles. Mais ça, c'était à une époque. Maintenant, on est à cette époque. Je regardais, subhanallah, les gens, jusqu'où ils sont tombés. Là, je vais vous montrer la bassesse de... Ça, je pars à l'excès, hein. Mais il y a des questions plus pertinentes. Mais là, je pars à l'excès. Genre des gens qui ont dit... ولكن اللحية يا أخي الحبيب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ils avaient pas de rasoir, c'est pour ça qu'ils ont laissé la barbe. Maintenant il y a des rasoirs. Regardez la bassesse là. Shaitan, c'est pas, il doit rire de cela. Là, il doit dire, khlas, celui-là, rubbama, il n'y a rien à gratter avec lui. Rien laisse le s'égarer tout seul. J'ai même pas besoin d'être là avec lui ou de l'accompagner. C'est quoi cette pensée, cette mentalité? Et ici, c'est quoi ce qiyas, cette analogie? Fondée, au moins fonde-le sur quelques arguments un peu. Au moins quelques, mais là, c'est vraiment fondé sur du n'importe quoi, wal'iyadu billah. قال الله وقال الرسول بفهم سلف الأمة فورب الكعبة ça suffit amplement. Mais quand on s'écarte du Coran, quand on s'écarte de قال الله وقال الرسول, étudier à chaque fois, ولكن, cela exagère. Oui, mais ça c'est à une époque. Oui, mais va voir la personne comment elle vit. والله العظيم qu'elle vit une vie pleine de gêne. Elle vit pas bien. Elle est toujours malheureuse. Elle se plaint toujours. J'ai pas assez d'argent. J'ai des problèmes. J'ai ceci. J'ai cela tout le temps. Pourtant, tu lui dis, khlas, applique le Coran al-Karim. Non, je veux pas. Donc, si tu ne veux pas appliquer le Coran al-Karim, donc c'est que toi, tu as des meilleures solutions. Eh ben, regarde le résultat de son analogie. Il vit une vie pleine de gêne. Pourquoi? Allah Azza wa Jalla dit, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Et celui qui s'écarte de mon rappel, il vivra une vie pleine de gêne. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Ah, de mon rappel. Et Allah Jalla wa Ala appelait le Coran al-Karim dans le Coran al-Karim aussi al-dhikr. In huwa illa dhikrun lil alamin. Ah, ce n'est qu'un rappel, il parle de al-Quran al-Karim. Ici, fa, wa man a'rada an dhikri. C'est-à-dire du rappel d'Allah, du Coran aussi. Fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Et on le ressuscitera auprès d'Allah Azza wa Jalla au jour de la résurrection, aveugle. قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى. Il dira, oh mon Seigneur, pourquoi tu m'as ressuscité aveugle? قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Et c'est ainsi, ici, وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Ici, car les versets t'étaient récités, ils t'étaient proposés, ولكن tu t'en es détourné, tu as agi aveuglement. Et bah, وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Tu les as oubliés, tu t'en es détourné. Et bah, c'est la même chose. Aujourd'hui, خلاص, tu es oublié, tu es abandonné, tu es ressuscité aveugle, والعياذ بالله. Donc ici, ayo al-ikhwat wal-akhawat, al-Qur'an al-Karim, il ne faut pas l'abandonner. Ni la récitation, ni la lecture, ni le fait de l'écouter, ni le fait de le prendre, d'accord, et de l'utiliser comme il se doit avec une bonne compréhension. C'est pas avec tes analogies à toi. Une bonne compréhension. Fas'alu ahla dhikr, in kuntum la ta'lamun. Quand il y a un conflit, quand il y a un désaccord. Et wallahi, si on met en application le Coran al-Karim et la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Ah, mais ça suffit pas de ramener le Coran et la sunna quand il y a un conflit. Et on se soumet au Coran et à la sunna, n'importe quel problème, wallahi, il suffirait de quelques secondes, allez, quelques minutes. J'exagère. Wallahi, sans exagérer, hein. Ici, je vais dire quelques minutes. D'accord? J'exagère sans exagérer. On va dire, allez, je vais exagérer. Quelques minutes. Naam, c'est une réalité, parce que normalement, quelques secondes. Khalas, il y a un problème, c'est quoi? Donc, il me dit ça. C'est halal ou c'est haram? C'est haram, qala Allah, qala Rasoul. Khalas, 20 secondes, 30 secondes. Ah, sami'na wa ta'na. Walakin, oui, mais attends. Et jusqu'à ce que tu vois des gens maintenant, ils cherchent des hadiths. Ils savent même pas s'il existe le hadith. Mais ils cherchent, et ils tapent même quelquefois dans des moteurs de recherche, ou ils cherchent dans des livres. Ici, un hadith qui va les arranger. Ils cherchent pas la vérité. Ce qui va m'arranger, wal'iyadhu billah. C'est-à-dire, ah, je suis dans une situation, il m'a dit une chose. Non, je vais chercher s'il n'y a pas quelque chose qui va m'arranger. Regardez juste l'intention, comment elle est malsaine. Il ne cherche plus la vérité. Je vais chercher c'est quoi la vérité. Car moi, si je trouve la vérité, je vais m'y soumettre. Je vais chercher ce qui va m'arranger, comme ça, ah, je vais lui donner moi aussi. On utilise le Coran et la Sunna, ah, ici, à but personnel, à titre personnel, avec des mauvaises intentions, wal'iyadhu billah. Et ça, c'est un égarement pur et simple, wal'iyadhu billah. Parmi les formes d'abandon, ne pas méditer. D'accord? Et ne pas chercher à le comprendre. Comme il dit Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, comme on a dit, Kitabul Mubarak, on a rappelé que c'était un livre béni. Ici qu'Allah a descendu sur le prophète alayhi salam, pourquoi il y a d'abbaru ayati? Comment tu veux méditer le Coran alors que tu le comprends pas? Mais j'ai envie de comprendre le Coran al-Karim. Était où pendant les cours, ya Abdallah? Était où pendant les cours, ya Amatallah? Tu croyais qu'il y avait Jibril qui allait venir et qui allait te donner une révélation? Toi, t'es ni le prophète et t'es ni un prophète. Donc toi, tu restes à ta place. Donc toi, il faut que tu sortes de chez toi. Et que tu ailles trouver les jardins du paradis comme le prophète alayhi salatu wasalam les appelait. Il les a appelés les jardins du paradis. Quand vous passez par un jardin du paradis dans le sens, arrêtez-vous à participer à ce jardin du paradis. C'est quoi les cercles d'invocation? Où il y a al-malaïka qui vient et qui nous entoure de leurs ailes. Et les péchés sont pardonnés. Et ici, Allah Azza wa Jalla rappelle que as-sakina, d'accord, nazalat as-sakina, la sérénité, la tranquillité descend. Et ici, Allah les couvre de sa miséricorde. Donc cherche ces cercles d'invocation, apprends le Coran, le Karim, apprends l'explication, la bonne compréhension des versets coraniques que tu vas apprendre. Parmi les formes d'abandon, ne pas le prendre comme remède, ici pour l'ensemble des maladies du cœur et aussi du corps. Ici, du cœur et du corps. Ici, Ibn Qayyim, il dit aussi, en cherchant au contraire la guérison en dehors de lui. Et ça, c'est ce qu'on retrouve. Il y a des gens, ils ont des maladies dans le cœur. Ils ont plein de maladies dans le cœur. Et Fawarab Belkaaba, sans fausse modestie, voilà le premier. On a tous des maladies dans le cœur, je pense. Walakin à différents degrés. Il y en a, ils ont des graves maladies. Il y en a, ils ont des cancers. Walayyadu billah, il y en a, ils ont des cancers incurables. Khalas, c'est mort. Rien à faire. Il y en a, ils sont, ça dépend. Ici, on parle de maladie du cœur qui pousse la personne à mentir, à avoir un double visage, à trahir, à être un hypocrite, à ne pas réussir à prendre la science. Les maladies qui le font ralentir, d'accord, dans ses projets religieux, qui le font ralentir, même quelquefois reculer en arrière, d'accord, dans tout ce qui satisfait Allah Azza wa Jal. Et ici, ces maladies-là, wal'iyadu billah, il faut un remède. Et le meilleur des remèdes, c'est quoi? Al-Qur'an al-Karim. Il y a le remède dans Al-Qur'an al-Karim. Il y a des gens qui ont abandonné ici ce remède-là. Comme il dit Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, Al-Qur'an al-Karim, c'est un remède aussi pour le cœur et pour le corps. Allah Azza wa Jalla dit, il parle du Coran. Et il dit subhanahu wa ta'ala, wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmah wa rahmatun lil mu'minin. Et on a descendu, d'accord, ce qu'il y a dans le Coran comme guérison. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. Et miséricorde. لِلْمُؤْمِنِينَ. Pour les croyants. Donc c'est une guérison. Pour les cœurs et pour les corps. Et c'est pour ça que, ici, as-sahaba radiyallahu anhum wa ardhahum, ils utilisaient, ici, surat al-fatiha. Pour être la cause qu'Allah jalla wa ala guérisse une personne. فَقَدْ surat al-fatiha, تَكْفِي فَوَرَبِّ الْكَعْبَةِ. Ça dépend comment tu vas la réciter. Ça dépend comment tu vas la réciter. Car al-Qur'an al-Karim ne serait-ce que le son, d'accord, que se dégage de ta bouche quand tu récites Al-Qur'an Al-Karim en le psalmodiant, c'est-à-dire en le récitant, d'accord, en embellissant Al-Qur'an Al-Karim, en respectant les règles du tajwid, cet embellissement du Coran. Donc ici, Al-Qur'an Al-Karim, les paroles d'Allah Jalla wa Ala sont un miracle. C'est pour ça que je me rappelle que Cheikh Antiri, Hafidhahullah Ta'ala, c'est un docteur, bon, pas très connu, lakin ala kulli hal, certains le connaissent. C'est un cheikh qui racontait que lors d'une muhadara, et lors d'une conférence, il y avait une grande assemblée. La majeure partie des gens, ou si c'était une grande partie, d'accord, ils étaient non-musulmans. Et ils parlaient de le Coran al-Karim. Et il dit, regardez le miracle du Coran. Il dit simplement, quand tu récites le Coran al-Karim, tu vois l'impact qu'Allah Jalla wa Ala fait qu'il y a dans le Coran al-Karim, l'effet qu'Allah met dans le Coran al-Karim et le miracle qu'est le Coran al-Karim. Il a récité surat Idha jaa nasrullahi wal fath. Il parlait du Coran, il a récité, il comprenait pas. Il a dit voilà, donc il y avait un traducteur, il a dit maintenant il va réciter une surat du Coran, une petite. Et il dit bismillahir rahmanir rahim Idha jaa nasrullahi wal fath. Et il récite ici Idha jaa nasrullahi wal fath. Il dit wallahi par Allah, la majeure partie des non-musulmans, ils étaient tous en train de pleurer. Ils disent, la majeure partie, ils étaient tous en train de pleurer. Ils comprenaient rien du tout, ce n'étaient même pas des musulmans. Al-Qur'an, Al-Karim. Ça dépend comment tu vas l'utiliser. Quelle intention tu as. Si tu as Al-Iman comme il se doit, tu comprends bien l'essence du Coran, surtout de Surat Al-Fatiha. Tu médites bien quant à, ici, ces versets coraniques. Tu vis et tu mets en application ces versets coraniques et tu as certitude concernant le fait qu'Allah, Jalla wa Ala, ici, a mis al-baraka, la bénédiction dans le Coran al-Karim, c'est une cause de guérison. Quand tu vas le réciter sur quelqu'un, bi-idnillah azza wa jal, il va guérir, inshallah ta'ala, ou même si tu le récites sur toi. Ça dépend de toi, de ton degré de conviction, de iman, de foi. Ça ne sert à rien de venir avec des quantités, d'accord, de livres. Quand tu veux faire ruqya à quelqu'un, d'accord, certaines personnes, ils restent pendant des heures et des heures à lire tout le Coran et plusieurs fois. D'autres, wallah, ils vont venir juste avec surat al-fatiha ou alors ayat al-kursi. Il va rester une fois, khlas, plus rien. Bi-idnillah azza wa jal, la personne a guéri. Pourquoi? Ça dépend de toi, ya akhi al-habib. Ça dépend de tes convictions à toi. Et ici, il dit, tout cela s'inscrit dans la parole du prophète alayhi afdalu salati wa askat taslim. Wa qala al-rasul, ya rab, inna qawmi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjoura. Donc ici, c'était une introduction on peut dire que c'est un cours sur le bienfait et les mérites de Al-Qur'an Al-Karim. Là, je ne vais pas rentrer dans l'explication de Sourate Al-Mulk, car il nous reste 7 minutes ou 10 minutes. D'accord? Donc ici, simplement, je vais faire une muqaddima. D'accord? Une petite introduction concernant Sourate Al-Mulk. La sourate qui est Al-Mulk, la royauté, avec une traduction dans le sens. Ici, on va parler de Al-Fada'il, les bienfaits, les mérites de Sourate Al-Mulk. Qu'est-ce qui est authentique? Qu'est-ce qui n'est pas authentique? Et pourquoi et qu'est-ce qui m'a amené à faire une introduction de cette introduction concernant l'explication qu'on va faire de Sourate Al-Mulk? C'est le fait que Sourate Al-Mulk, elle renferme tellement de mérites et de bienfaits, que dire du Coran tout entier? Maintenant, on parle des mérites et des bienfaits de Sourate Al-Mulk. Abu Huraira, radiyallahu anhu wa arda, a rapporté un hadith, rapporté par Ibn Majah et d'autres, Hassanahu Al-Albani, rahimahullahu ta'ala. Il dit, alayhi afdalu salatu wa askat taslim, inna suratan min al-Qur'an, 30 ayatan, shafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabaraka alladhi biyadihi al-mulk. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, et ce hadith, il est jugé bon par Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, rapporté par Abu Dawud ibn Majah et d'autres. Une certaine sourate du Coran qui contient 30 versets, c'est-à-dire, on parle de sourate Al-Mulk, a intercédé en faveur d'un homme jusqu'à ce qu'il en fût pardonné. Ah, donc ici, elle intercédera bi-idnillahi azza wa jal. Premier bienfait. Elle intercédera bi-idnillahi azza wa jal pour une catégorie de personnes. Pour qui exactement? Est-ce qu'il suffit de lire une fois dans ta vie, tous les soirs, toutes les nuits, toutes les journées? On va le voir bi-idnillahi. Une certaine sourate du Coran qui contient 30 versets intercédés en faveur d'un homme jusqu'à ce qu'il en fût pardonné pour ses péchés. Et il dit, وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكِ. Il dit, c'est la sourate تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكِ, c'est-à-dire sourate Al-Mulk. Claire? Dans un autre hadith, rapporté par Al-Nasa'i et Al-Hakim, ou disons plutôt un athar, un récit. Ici de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Et ce récit-là, حَسَّنَهُ الْأَلْبَانِي. رواه النسائي والحاكم. Ça, c'est une parole de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu wa arda, jugé bon par Sheikh Al-Albani. Le prophète alayhi abdalu salati wa askat taslim a dit, man qara'a surat al-mulk, celui qui lit ou qui récite surat al-mulk, la royauté, chaque nuit, Allah jalla wa ala le préservera de quoi? Du supplice de la tombe, min azab al-qabr. Allah jalla wa ala, بسبب ذلك, بسبب هذه القراءة, par la cause de cette récitation. Chaque nuit, Allah jalla wa ala le préservera du châtiment de la tombe. Du temps du messager d'Allah alayhi salatu wa salam, il dit, fi ahdi rasul alayhi salatu wa salam, nous l'appelions, on l'appelait al-mani'a. À l'époque du prophète, ils appelaient surat al-mulk al-mani'a. C'est-à-dire, la protectrice si on veut. Et elle est en fait une sourate du Coran dont la récitation chaque nuit est source d'une bonne et grande rétribution. Donc ici, le fait de la réciter chaque nuit, il dit, c'est une source d'une bonne et d'une grande rétribution. Abdullah ibn Mas'ud, Hassanahu al-Albani, il rapporte que quoi? Que c'est une des causes par laquelle Allah Jalla wa'ala va te préserver du châtiment de la tombe. Qala al-ulama, al-ulama dit, ça c'est la personne qui... Ça, c'est la personne qui la récite chaque nuit. Ce n'est pas de temps en temps, chaque nuit. Si tu meurs lors de cette nuit, d'accord, ou bien, d'accord, la matinée ou la journée, alors que la veille, la nuit, tu l'avais lu, mais si tu l'as lu et tu l'as médité et tu as mis en application, comme قال العلماء, ici, ce qu'elle renferme concernant l'essence, d'accord, la bonne compréhension de cette sourate, tu l'as mis en application, à ce moment-là, bi-idnillahi azza wa jal, si tu as été un lecteur assidu toutes les nuits de cette sourate, ici, elle te sera une cause par laquelle Allah jalla wa ala, ici, te préservera du châtiment de la tombe. Elle intercédera pour toi au jour de la résurrection. Elle t'apportera un grand bien, ici, et une grande rétribution. Fi dunya wa fil akhira, insha'Allah ta'ala. Juste, le fait de la réciter, de la comprendre, de la méditer, et de mettre en application ses sens. D'accord? Donc ça t'apporte bi-idnillah azza wa jal ce résultat-là par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire tu es préservé de azab al-qabr. des châtiments de la tombe. Donc ici, quand on entend ça, est-ce que cette sourate ne mérite pas qu'on l'étudie, qu'on la lise et qu'on la prenne? Et ça, c'est une exhortation à moi le premier. Et en plus de cela, si on met en application ce hadith-là, فَوَرَبِّ بِالْكَعْبَةِ, et c'est ce qu'on va faire بِإِنِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, c'est la prochaine sourate qu'on va apprendre par cœur ensemble ici à la mosquée. Ici, vous allez voir que ça va aller très, très, très, très, très rapide. On va l'apprendre très rapidement. Les gens vont l'apprendre très rapidement. Pourquoi? Si on met en application ce hadith, c'est-à-dire on la lit. On la lit quand? Donc après c'est simple. Si tu la lis tous les soirs tu la récites, tu la lis. بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Si tu fais un travail, si tu ne l'avais pas apprise par cœur avant, tu fais un travail pour l'apprendre par cœur, ça va aller très facile. Et en plus de cela, le fait de la lire tous les soirs, c'est une révision. Et ça va te permettre, بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, de ne jamais l'oublier. Naam, parce que le fait de répéter, de faire al-muraj à la révision, c'est plus important, d'accord, que d'apprendre par cœur. C'est-à-dire, je parle plus important pour retenir. Parce que le plus facile, c'est quoi? C'est de laisser dans la tête le Coran ou de le faire rentrer une première fois. C'est quoi? C'est de laisser dans la tête. Ah, mais le faire rentrer une première fois. Tu vas réciter 3 versets coraniques maintenant pendant 5 minutes, 10 minutes, tu vas les retenir par cœur. Tu vas sortir, 5 minutes après, tu les as oubliés. C'est ça le plus dur. Et c'est pour ça que l'ulama, ils disent parmi les meilleurs des conseils, d'accord, parmi, en dehors de bien sûr l'ikhlas, avoir ici être sincère, je dis parmi, hein, mais parmi les conseils qu'il y a aussi, c'est l'ikhlas, être sincère quand tu apprends le Coran et le Karim, d'accord, comprendre ce que tu apprends, parce que quand tu comprends, ça te permet de réciter plus facilement. Il y a le fait de répéter beaucoup ici la surat, d'accord, ou bien l'ayat, les versets que tu as appris. Et l'ulama, certains recommandent quand tu as appris par exemple une page, de la réciter 25 fois, 20 fois. Walakin, le mieux, c'est de réciter des centaines de fois. Parce que l'ulama, ils disent qu'il y a deux types de mémoire. Il y a le type de mémoire ici, qui te permet de retenir de façon limitée. D'accord? Dans une durée limitée. Et il y a la deuxième type de mémoire qui te permet de retenir de façon illimitée bi'idnillah azza wa jalla. Et pour pouvoir retenir sans jamais oublier par la permission d'Allah azza wa jalla, il faut ancrer comme il se doit ce que tu as appris. Et il disait pour ancrer comme il se doit, il faut réciter 300 ou 400 fois ce que tu as appris, par exemple la page. Après ça part plus. Et il donne l'exemple de quoi? Sourate al-Fatiha. Est-ce que sourate al-Fatiha on la révise? Est-ce que sourate al-Ikhlas on la révise? Est-ce que, bien sûr ils sont courtes, mais pourquoi? C'est pas simplement la raison. Parce que si tu réunis sourate al-Fatiha, sourate al-Ikhlas, sourate al-Falaq, sourate al-Nas, ça fait quoi? Ça va faire plus d'une page. Walakin ici, parce qu'on les récite tout le temps. Et le fait de réciter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps une même sourate, ou bien de la réciter des centaines de fois après l'avoir apprise, ça reste ancré. C'est, tu n'as même plus besoin, ou on va dire, tu as besoin de revenir peut-être sur la sourate dans l'apprentissage, mais très peu. Et c'est pour ça qu'ils sont réputés, les gens de la Mauritanie, ici, ils sont réputés concernant leur apprentissage, et il est rapporté qu'ils récitent ou qu'ils ne passent pas l'apprentissage d'une page tant qu'ils n'ont pas récité plus de 300 fois. Plus de 300 fois. Ah, d'après, ils passent, et bien après, là, ça reste gravé dans leur tête. Clair? Donc ici, on dit, ça va nous permettre aussi de retenir facilement le fait de quoi? De réciter, kulayla, yani, chaque nuit, tu la récites. Khlas, c'est quoi? Tabarakalladhi. Ici, elle fait 2 pages et demie, à peu près. Donc ici, c'est très rapide. Ici, 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Ici, tu la récites. Alhamdulillah. Et à force, bi'idnillah azza wa jal, tu la retiendras ici facilement. Le prophète, alayhi salatu wa salam, pour terminer ici, dans un autre hadith, il nous rappelle encore les mérites et les bienfaits de surat al-mulk, tabarak alladhi biyadihi al-mulk, hadith rapporté par Abu Dawud wa al-Tirmidhi wa Ibn Majah wa Ibn Hibban et al-Hakim d'après Abu Huraira. Il dit à l'intérieur du Saint-Coran, le Coran, il y a une surat composée de 30 versets qui intercède à son porteur, c'est-à-dire le récitateur, jusqu'à l'obtention du pardon d'Allah Azza wa Jal. Et il dit c'est surat al-mulk. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit dans un autre hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, il parle de surat al-mulk et il dit c'est elle qui préserve, ou alors c'est elle, d'accord, Naam, on dit c'est elle qui préserve, d'accord, ou qui protège, c'est pareil dans le sens, hein, c'est elle qui préserve, c'est-à-dire al-mani'a, et ici wahiya al-munjiya, c'est-à-dire celle qui sauve de la souffrance de la tombe. Dans un autre hadith selon Abu Huraira hassanahu al-Albani rahimahullah ta'ala, il dit alayhi salatu wassalam, إن سورة من كتاب الله ما هي إلا 30 آية شفعت لرجل فأخرجته من النار وأدخلته الجنة. Il dit une sourate dans le Coran ici qui a 30 versets. Il parle de sourate Al-Mulk. Il dit elle a intercédé شفعت لرجل pour un homme. فأخرجته من النار, elle l'a sorti de l'enfer. وأدخلته الجنة, et elle a fait rentrer au paradis. C'est quoi cette sourate? Sourate Al-Mulk. Rapporté par At-Tirmidhi, authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala fi at-takhrij Sunan At-Tirmidhi, Sunan At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, le prophète alayhi salatu wa salam a dit an Jabir, kana Rasulullah alayhi salatu wa salam. Donc Jabir rapporte que le prophète alayhi salatu wa salam la yanam hatta yaqra alif lam mim tanzilu al-kitab sourate As-Sajda wa tabaraka alladhi biyadihi al-mulk. Et sourate Al-Mulk. Le prophète alayhi salatu wa salam ne dormait pas avant d'avoir lu sourate As-Sajda, et pour les frères qui sont ici on l'a appris par cœur. Et sourate Al-Mulk, d'accord, c'est-à-dire la prière ou la sourate de la royauté. Donc ici, bi'idnillah azza wa jal, on a fait deux introductions. Une introduction concernant les bienfaits, les mérites de Al-Qur'an Al-Karim. Et la deuxième introduction, si on veut, à l'explication au charh, au tafsir de sourate Al-Mulk qu'on va faire bi'idnillah azza wa jal, ici, concernant les bienfaits, les mérites de Sourate Al-Mulk. Donc, j'enjoins ma propre personne, ainsi que mes frères et sœurs, qui veulent être préservés du châtiment de la tombe, bi'idnillah azza wa jal, et avoir un grand bien, une grande rétribution ici-bas et dans le delà, de lire chaque soir Sourate Al-Mulk, la Sourate, ici, Al-Mulk, la royauté, avant de dormir. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.